t'attends pas, c'est pour dérager celle-là. Dans cette vie, il y a trop de personnes qui ont changé. À chaque jour, à chaque nuit, il n'y a plus de baisers ni d'amitié. Du jour au lendemain, tu vois des visages étrangers. Des mecs se sont levés, des masques qui sont tombés. Des gens que t'estimais dans le temps, qui sont passés du côté des absents. Du côté des absents, du côté des absents. Le manque d'argent à la maison, le charbon est mon horizon. La rue a ses saisons et mon quartier a ses raisons. Entre la vie et la mort, entre regret et remords. Entre amis et ennemis, qui a raison, qui a tort. La famille, c'est ce que je vis, c'est ce que je suis. C'est ce que je fuis, ce que je nie, ce que je nuis, ce que je dis. Et des crises que j'ai pris et mépris, ce que j'écris et appris, entrepris jour et nuit. Inspiré par le bien et par le mal en même temps. Les petites par le bien et par le mal en même temps. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'on veut tout en même temps. Le quartier a ses raisons qui font qu'aujourd'hui je l'aime tant. Dans mon quartier le crime tombe, deux doigts sur la téton. Entre la rue et les baumettes, c'est quelques années on attend. Quelques mois de détente, entre les baumettes et la rue. Y'a qu'une porte, une pente, deux, trois potes qui t'attendent. Entre la rue, la ruine, la ruse derrière ou la gine. Entre la thune, la haine ou d'Aouito et l'idine. Entre le béton, l'usine, la salade ou la résine. Viens voir où je réside, entre le haram ou le din. Entre l'égal ou l'illégal, les gâchettes et les gâches. La caille pour pas qu'on cale le reste, ça nous est égal. Quand on écrit, quand on se cale, c'est dans une cave. Pour mes frères en gardable et qui vendent de la calme. Mais comment veux-tu qu'on se calme de vos cafés, vos ganaches. Sortez les calages, voici un morceau garage. Nous, on passera et si Dieu veut, on passera. Qualité 24 carats, faire couler ton mascara. Mais vas-y, dévoie, tu sais pas, de toi à moi. Quittez-toi, à part profiter de nos idées sans hésiter quoi. Aux abois on n'a pas le choix, guettage sur un 103. On a la voix, l'esprit, la foi criminelle de sang froid. Que toi et des fous alliés fumer, déconne, déconne. C'est le seum, pas le com, ça t'assomme, des sommes, des sommes. On déconne pour déconne, l'école très vite, on a quitté, sollicité, incité en tant que mec de cité. On se veut des hommes avant même d'être adolescent. Je m'entraîne avec mon frère jusqu'à m'en faire couler le sang. Et je lui en suis reconnaissant, les liens du sang, c'est ce qui compte. Tu les montes devant les autres, ouais, jamais tu les descends. Issu d'une famille honorable. Nombreuses et mémorables, voilà pourquoi mémorable, pourquoi j'en perds le moral. Et dès que la mort mourra, pour mon âme fait des doigts. J'espère avoir les mains dans jean et très loin de l'amour aura. Des fois j'ai envie de me barrer, je fais des actions de taré. Et plus le temps passe, je grandis et je finis égaré. Le système veut nous la mettre, nous met des disquettes sur le net. Laisse les réseaux dans nos ghettos pour qu'on soit tout le temps en fumette. Alors on nique le système, vu qu'on en fait partie. Au nom des bavures policières et de tous nos frères partis. C'est pour ce temps léotard, mi 17 ans c'est la zermie. Enfermer des innocents tant que c'est pas vous c'est permis. Paralysé par le manque de tout. De tu me comparer à vous. T'as vu des trucs de fou comme une arme d'une mère sur ta joue. J'avoue, ça fait trop mal de voir la maman pleurer. Faut pas se pleurer, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Faut pas trop voir ce que les gens disent. Courtise pour de la devise, ça se divise. Et ça se refait la bise. On connaît tous la devise, le pacte dans le viseur. Fais pas la gadget qui tease pour cacher que t'es mineur. Fais gaffe aux filles, c'est plus les mêmes à l'extérieur ou sous le toit. Et te dira que c'est itinéraire, que c'est juste trompé de ma foi. Fais gaffe aux potes aussi, ici, se tire quand ça sonne roussi. On t'a trahi, on t'a sali, tu t'en es jamais remis. Tu t'en es jamais remis. Tu t'en es jamais remis, tu t'en es jamais remis, tu t'en es jamais remis. Puisque nos misères sont les mêmes, regarde où ça nous mène. On s'y mêle pour des amis infidèles. À l'époque c'était bordel, hein, y'avait bandelle. Maintenant ça a changé, ça veut te péter la rondelle. Ensemble on se réunit, on s'encule par ennemi. On est unis munis face à l'état qui démunit. Elle est belle avec 2009. Ça fait plaisir au pute de dire que je tape la 09. Grand frère, j'ai mis limite. Moi y'a personne que j'imite. Je reste fidèle à moi-même. Même si j'écoute, tu dis unite. Laisse les parler, c'est pas vrai. Je leur pisse à l'arrêt. Ton petit frère, c'est un homme en cas de guerre. Je suis paré. Préparé, taré, carré. Écouté par les tarés. Rien ne sert de t'étaler. De faire le mec décalé. Tu niques tout ce qu'il paraît. Avec nous, tu disparais. Frérot, on voit les armes et nous, on est paré. Dans le fond, on est pareil. On veut l'argent du parrain. Ni que sa mère la paresse, ça porte en kilo ou pareil. C'est ça qui crée des guerres, qui fait sortir des guns, des guesses pour la dégaine et qui fait fermer des gueules. Qui font de l'argent douce, qui vont à la grâce à 12. T'inquiète, cool, ici on connaît les partous. Air belle malgré tout, y'en a beaucoup qui chaud au cachot. Qui se tue au shit au cachet, c'est chaud qu'on se laisse aller. On oublie la salette, en plein mois de ramadan ça se met à trancher des palettes. On a les flics à dos, Youssef en sac à dos. Pas attendu d'être ado pour voir que le monde était mazo. Ça, c'est pour ma zone, ça, pour ceux qui m'arrondent. Plus rien nous étonne, on veut des E, Anton, génération 8-6. Nique les villes 6, génération R6 qui s'endort sur M6. Nous on nique les MC et ça même si t'es pas d'accord, fais t'aïe, nous remercie. Ça, c'est pour mes rap, ça, pour l'argent sale, ça. C'est du bon rap, frérot, c'est pas de la salle, ça. On a le maillot du Barça, parce qu'à l'OM ça passe pas. J'ai plus des rimes en A, alors ça finit en A. Ça finit en A, ça finit en A, ça finit en A, ça finit en A, ça finit en A. Un APS. S-S-S-S-R-H-I-M. On rate bien pour rien, mais on le fait quand même. C'est pour Kaz, tiens de la Kaz, K-O-F-S. C'est pour mon pote Fethi et Hichem. Dealer comme on fait des sons Nichen. T'inquiète, c'est pour Bel Air, mon cousin. N-A-P-S, elle est belle, mec. J'oublie pas, bébé. Aziz, Oussama, Zizou et tous les vrais du quartier, frère. N-A-P-S, elle est belle, mec.